il est des cœurs qui nient les miracles de l'offert. Au soir tombant, il pleure l'aube claire et s'éveillant à leur désastre amer, insensible au bonheur qui renaît éphémère. Il est des vœux pour de vastes domaines, pouvoir et compte aux îles caïmans lointains. Devant les foules, il joue leur scène vaine, innocent mais rongé d'un mal incertain. Il est des âmes qui rêvent les grands signes, voir les mers s'ouvrir sous un geste divin, ou réveiller les morts. Notre toit abonde, avance sans hâte.